Je veux être, je veux. le son fort et le lyrique c'est tapant. Et pas tant, en partant, je te dis j'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour déconner, je peux en trouver pour un bisou, pas le temps pour les trophées, puis j'ai pas les jambes de zizou. Tu te prends pour un gros bonnet, moi j'ai pas le temps pour les filous, puis j'ai pas le temps pour des premiers là. Ou du 16, mais moi je te dis qu'à peine mon papi. Pardon pour la 16, pardon si j'insiste. Mon son est pas zeste, c'est 30 à base qu'on voit, Zabine, ça pique, mais vas-y, résiste. Tu veux du bac, zombie? Non, non, j'ai pas le temps, je fais nada de ma vie. Ça aille vite, t'es fanatique. Rap, c'est pas de la magie, tu t'agis. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. dans le café au riche de bien. Enfin, il était pas